donne identique à soi-même. Nous dirons que c'est là le principe du discours, non pas maîtrisé, mais écrivons-le maître, maire, avec un petit tiret ici. Le discours en tant que fait maître, de se croire univoque. Assurément, c'est là le pas de la psychanalyse. De nous faire poser que le sujet n'est pas univoque. La formule exemplaire, dans un moment, il y a 2 ans, où j'essayais d'articuler l'acte psychanalytique, trajet qui restait en panne, ne sera comme ça, jamais repris. La formule donc, percutant, que j'ai formulé de l'où je ne pense pas, où je ne suis pas, alternative, eh bien là, ce qui assurément d'être seulement amené, fait figure. C'est raisonnant dès qu'il s'agit du discours du maître. Encore pour la justifier, faut-il que nous la produisions d'ailleurs, seulement elle est évidente. Il faut qu'elle se produise elle-même à la place dominante et ce dans le discours de l'hystérique, pour qu'il soit en effet bien sûr que le sujet est placé devant ce bel qui s'exprime de où je ne pense pas, où je ne suis pas. Là où je pense, je ne me reconnais pas, je ne suis pas, c'est l'inconscient. Là où je suis, il est trop clair que je m'égare. Dans la vérité, présenter les choses ainsi ne laisse pas voir plus exactement, montre que si ceci est resté si longtemps obscur au niveau du discours du maître, d'être à une place qui, de sa structure même, masque cette division du sujet. Que ne vous ai-je pas dit, en effet, de ce qu'il en est, de tout dire possible à la place de la vérité. La vérité, vous dit, ne saurait s'énoncer que d'un midi. Et le modèle, je voulais donner de l'énigme. C'est bien ainsi. Mais toujours, elle se présente à nous. Non pas certes. L'énigme est quelque chose qui nous presse de répondre au titre d'un danger mortel. La vérité n'est qu'une question, comme on le sait depuis longtemps, pour les administrateurs. Qu'est-ce que la vérité? On fait partie. Cela a été une bonne foi éminemment prononcée. Mais autre chose, cette forme du midi, à quoi se contraint la vérité, autre chose, cette division du sujet qui en profite pour se masquer. question. Car la division du sujet, c'est bien autre chose. Si où il n'est pas, il pense. Si où il ne pense pas, il est. C'est bien qu'il est dans les deux endroits. Et même, dirais-je, que cette formule de la Spaltung est un problème. Le sujet participe du réel en ceci justement, qu'il est impossible, la parabole. Pour mieux dire, si je devais employer une figure au reste qui ne vient là pas par hasard, je dirais de lui, comme de l'électron. Là où il se propose à nous à la jonction de la théorie ondulatoire et de la théorie corpusculaire, et où ceux que nous sommes forcés d'admettre, c'est que c'est bien en tant que le même qu'il passe par deux trous distants. Et en même temps, l'ordre donc de ce que nous figurons par la spaltungsgène est autre que celui de la vérité de ce figure qu'a s'énoncé le midi. Ici apparaît quelque chose d'important à souligner, car à la vérité, chacune de nos formules, celle dont se situe un discours, a bien entendu de cette ambivalence même, comme nous reprendrons le mot en un autre sens, par quoi la vérité ne se figure que d'un vide. Chacune de ces formules prend des sens singulièrement opposés. Est-il bon, est-il mauvais? Ce discours que j'ai peint intentionnellement du discours universitaire a en quelque sorte le discours universitaire qui montre par où il peut pécher. C'est aussi bien dans sa disposition fondamentale que lui montre ce dont s'assure le discours de la science. Car, repérez, le S qui tient sa place en effet dominant. C'est bien en temps, vous ai-je dit, que c'est à la place de l'homme, le commandement, à la place premièrement tenue par le maître, qui est venu de sa mort. Et s'il se fait que rien d'autre au niveau de sa vérité, mais que le signifiant maître comme tel, en tant qu'il opère pour porter l'ordre du maître, c'est bien là de quoi relève reste si brute qu'après un temps d'hésitation de ton esprit, après un temps d'hésitation dont nous avons la marque, par exemple au niveau de corps, quand nous voyons assez carnet, un temps plus tard, un imam, gauche qui les avait approchés, avait pris le pas de ne pas les livrer. On ne va pas plus loin. Et pourquoi jeter en circulation le savoir même de pure logique sans qu'on est fait à partir de lui. Beaucoup de certains statuts de repos peut-être ébranlés. Il est clair que nous n'en sommes plus là et que ceci au progrès net, à cette bascule que je décris de quart de tour, un savoir en quelque sorte dénaturé de sa localisation primitive dans les autres esclaves, d'être devenu pur savoir du maître et régi par son commandement. Qui a la vérité à notre époque? Un instant de même songer à arrêter le mouvement de l'articulation du discours de la science, au nom de quoi que ce soit qui puisse en arriver, déjà les choses sont là. Ils ont montré où on va, aux structures moléculaires, en fission atomique, qui, un instant de même penser que puisse s'arrêter. Je décide le renversement de contenu en changement de place combinatoire sollicite la tentative théorique de se mettre à l'épreuve du monde réel de la façon qui, en révélant l'impossible, fait jaillir une nouvelle puissance. Impossible de ne pas obéir au commandement qui est là, là, de ce qui est la vérité de la science, continue, marche, continue à toujours plus savoir. Très précisément de ceci, et de ce que ceci lui-même occupe cette place. De ce que peut voir ceci, le S1 du commandement continu à savoir, de ce que ceci d'occuper cette place contient des lignes, de ce que c'est ceci qui occupe cette place. Sur la vérité en est à proprement parler écrasé. Seulement, ce qui fait énigme, c'est que dans le champ de ces sciences, qui osent elles-mêmes s'intituler humaines. Nous voyons bien que le commandement continue à savoir fait un peu de remue-ménage. Parce que comme dans tous les autres paradis ou schéma incapable, c'est toujours lui qui est ici qui travaille pour faire jaillir la vérité. Car c'est le sens du travail. Qui ne travaillait pas, qui est à cette place qu'il soit. Dans le discours du maître, c'est la place de l'esclave, dans le discours de la science, c'est celui de la étudiant. On pourrait jouer avec ce mot, hein. Peut-être ça renouvellerait un peu la question. Tout à l'heure, nous étions astreints à continuer de savoir sur le plan de la science, sur le plan de les sciences humaines. Nous voyons encore quelque chose sur lequel il faudrait faire un mot. Je ne sais pas encore si c'est final. Bon. Moi, comme ça, d'approche, de sonorité, à studier. Si je mets en fait ce mot-là dans le vocabulaire, j'aurais plus de chance, comme je voulais qu'on change le nom de la serpillière. Bon, très bien. À studier, n'a plus de raison d'être. Au niveau des sciences humaines, l'étudiant se sent à studier. Il est à studier parce que comme tout travailleur, verrez-vous sur les autres qui cadrent, là il y a produit quelque chose donc, à la vérité, il arrive de temps en temps que mon discours suscite des réponses qui ont un rapport avec ce qui se passe. C'est plaisir. Que je suis arrivé à l'école normale, il s'est trouvé que les jeunes gens m'ont mis à discuter sur le sujet de la science. À la vérité, j'en avais fait l'objet du premier de séminaire de l'année 1965. C'était pertinent. Le sujet de la science. Mais il est clair que ça ne va pas tout seul. Ils sont fait taper sur les doigts. On leur a expliqué que le sujet de la science, ça n'existait pas. Le point vif que vous avez cru le faire surgir, à savoir le rapport 0 au 1 dans le discours de Pagatou, leur a démontré que les progrès de la logique mathématique avaient permis de réduire complètement, à suturer, d'évaporer le sujet de la science. Le malaise des astudés n'est pourtant pas sans rapport avec ceci que ils sont quand même priés de constituer avec leur peau. Le sujet de la secte. Ce qui, comme ça, aux dernières nouvelles, dans la zone des sciences humaines, semble présenter quelques difficultés. C'est ainsi que, dans une science bien assise d'un côté, évidemment conquérante de l'autre, c'est conquérante pour se qualifier d'humaine, sans doute parce qu'elle prend les hommes pour humus, il se passe des choses qui, en somme, nous font tomber sur nos pieds et parfois toucher au niveau de la vérité. Le fait d'y substituer le pur et simple commandement, celui du maître. Celui du maître, ne croyez pas que le maître soit toujours là. C'est le commandement, du reste. L'impératif catégorique continue à savoir. Ne plus vous inquiétez personne là. Donc, vous remarquez, comme dit Pascal, dans le discours de la science, ben, il reste que quand même le midi se trouve justifié de ceci. Qui la terre sur le sujet des sciences humaines, il n'y a rien qui tienne debout. Vous auriez bien tort de croire, car après tout, on ne sait pas dans quelle petite cervelle arrière pourrait surgir ceci que mes propos impliquerait, qu'on freinerait cette science, qu'à tout prendre à revenir à l'attitude de Beauce, il y aurait peut-être un espoir de salut. Une sorte d'imputation qui, en vérité, serait justement qualifiée de réactionnaire. Il faut tout de même bien que je les pointe, parce qu'il n'est pas impensable. Dans des zones que la vérité, je ne pense pas être apportée à présenter un endroit où je parle. On pourrait en déduire, dont je suis en train de parler, donc aussi il faudrait bien se pénétrer. C'est en quoi que ce soit que j'articule une certaine pensée de clarification. Il n'y a pas la moindre idée de progrès au sens que ce terme impliquerait une solution heureuse. Parce que la vérité, quand elle surgit, a de résolutif. Ça peut être de temps en temps heureux, mais dans d'autres cas, c'est désastreux. On voit pas pourquoi la vérité serait forcément toujours bénéfique. Pour vraiment voir le diable au corps, pour s'imaginer une chose pareille, si tout démontre le contraire. Bref, il est sûr que dans la position dite de la de se voir penser l'objet petit à lui-même, qui se trouve dans des cas d'ailleurs improbables, y a-t-il de même un analyste qui le sait. Mais on peut théoriquement poser que penser l'objet petit à lui-même, c'est bien à la place du commandement. Que c'est bien comme identique à l'objet petit de ce qui pour le sujet se présente comme la cause du désir. savoir quand il s'offre comme toi de nous. Dans cette opération insensée, une psychanalyse entendue s'engage sur la trace du désir de savoir. Je dis au départ que ce désir de savoir, ça n'allait pas tout seul. La pulsion épistémologique que l'on inventait de l'énergie. Que je dirais, voir d'où elle veut surgir. Comme je l'ai fait remarquer, c'est pas le maître qui aurait inventé ça tout seul. Pour que quelqu'un lui ait imposé, comme le psychanalyste, mon Dieu, n'est pas évident de toujours, plus ce n'est pas le suicide. Il s'offre, comme toi, de lui, pour quiconque est mordu, ce désir particulièrement problématique. Nous y reviendrons. En attendant, sachons bien pointer ce qu'il en est dans la structure et le discours de l'analyste, en tant que vous le voyez ici, dit au sujet à l'esprit. Dites comme on dit qui nous passe par la tête. Divisé que ce soit, si manifestement que cela démontre, ou bien vous ne pensez pas, ou bien ça peut aller, que vous produirez à toujours étrange pour des raisons que nous aurons à habituer, mais que vous demandez maintenant esprit. C'est en ceci que vous avez pu voir s'il y a une liaison très forte, une relation fondamentale à la ligne supérieure, pour nous exprimer rapidement. C'est le lien du maître à l'esclave, moyennant quoi, Hegel fixe l'esclave avec le temps, lui démontrera sa vérité, moyennant quoi, si Marx fixe. Se sera occupé tout ce temps à fomenter son flux de jouir. Pourquoi ce flux de jouir doit-il au maître? C'est là, bien sûr, ce qui est masqué, ce qui est masqué au Marx, c'est le maître. A-t-il séduit ce flux de jouir? Le maître a renoncé à tout, à la jouissance d'abord, puisqu'il s'est exposé à la mort et qu'il reste bien fixé dans cette position. Dans l'articulation hegelienne, c'est clair. Sans doute, il a privé l'esclave de la disposition de son corps, mais c'est un rien à lui, il lui a laissé la jouissance. Alors, si le maître, dans tout ça, fait des efforts pour que tout marche, c'est-à-dire donne l'ordre, il est clair, ça, je pense que vous l'avez bien expliqué en son temps, mais je le reprends parce que je serais trop répété des choses importantes, que c'est comme ça que la jouissance est revenue. À porter le maître pour manifester son action, à simplement remplir sa fonction maître, il perd quelque chose. Ce quelque chose de perdu, c'est par là au moins que quelque chose de la jouissance doit lui être précisément lui. Si avec le temps, par cet acharnement qui est le sien de se castrer, il n'avait pas comptabilisé ce flux de jouissance, s'il n'avait pas fait la plus-value, ou en d'autres termes, s'il n'avait pas fondé le capitalisme, par ce fait perçu, la plus-value, c'est plus de jouissance. Et tout ceci, bien sûr, n'empêche pas que le capitalisme est fondé, et que la fonction de la plus-value est tout à fait pertinemment définie par Marx. Néanmoins, pour en venir à bout, on devrait peut-être savoir quel est au moins le premier temps de son articulation. Au niveau du socialisme dans un seul pays des moyens de production qu'on a appuyé pour autant avec la plus-value, si on ne sait pas ce que c'est. Alors donc, ce but de jouir, ce but de jouir aussi nous montre qu'au niveau du discours humain, il n'y a pas de rapport. Entre ce qui plus ou moins va devenir cause du désir d'un type comme le maître, qui comme d'habitude, bien sûr, n'y comprend rien, il n'y a pas de rapport entre ça et ce qui constitue la vérité. Car ici, dans la partie, l'étage au-dessous, schéma 49, il y a une barrière. Et le fait qu'au niveau du discours du maître, la barrière qui est tout à fait tout de suite à la portée de notre humain est donnée, c'est la jouissance, tout simplement, en tant qu'elle est interdite. Elle est interdite dans son fond. On en prend des lichettes de la jouissance. Pour aller jusqu'au bout, je vous ai déjà dit, je commence à 5-4, pas besoin de réajouter. Fantasme mortifère. Ce qui est intéressant dans cette formule comme définissant le discours du maître, c'est de voir qu'il est le seul à rendre impossible cette sorte d'articulation que nous avons pointée à l'heure comme le fantasme en tant que les relations du petit cas avec la division de ce discours du maître. État fondamental exclut le fantasme. C'est bien à la vérité ce qui le rend dans son fondement tout à fait à peur. Nous verrons que c'est le fait qu'ailleurs, tout à fait spécialement dans le discours analytique, il s'étale sur une ligne horizontale d'une façon tout à fait équilibrée. Le fantasme. fantasme peut sortir, qui nous en dit un peu plus sur ce qu'il en est du fondement du discours humain. Qu'il en soit, pour reprendre les choses au niveau du discours de l'analyste, constatons que c'est le savoir. Le savoir, toute l'articulation du être existe. Tout ce qu'on peut savoir qui est mis dans la façon d'écrire, à la place dite de la vérité. C'est-à-dire que ce qui peut savoir est, dans le discours de l'analyste, prié de fonctionner au registre de la vérité. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est pas pour rien que j'ai fait les tours au niveau de l'actualité. La mauvaise tolérance, disons, une certaine galopade qu'a prise le savoir de la forme de la science moderne. Simplement, sans toujours relier, comprenant beaucoup plus loin que vous le savez, vous faire ressentir l'événement qui, quelque part, nous avons une chance que ça prenne un sens, de savoir interroger en fonction de vérité, ça doit être tout au moins si nous sommes confiants. Une petite tourniquette, ça doit être là, ça prend son temps. Voyez-vous, ça, je veux dire, par exemple, c'est ce qui me justifie, c'est tout à fait en passant, vous allez voir, mais en passant, c'est ce qui me justifie, par exemple, à dire que, juste une fois, on m'a quelque sorte, faire mettre la paix là au moment où j'allais parler des mots du père, j'en parlerai plus jamais. Ça a l'air comme ça, hein. Ça a l'air taquin, pas gentil. Tu sais, même que ces gens, même les fanatiques de la science, continuent à savoir. Oh non, mais tu dois dire ce que tu savais des mots du père. Je dirais pas que c'était mon père, parce que justement, moi je ne fais pas partie du discours universitaire. Je suis un petit analyste. Une pierre rejetée d'abord. Même si dans les analyses, je deviens la pierre dans le cœur. Dès que je me lève de mon côté, j'ai le droit de me prendre une petite. Ça se renverse. La pierre rejetée qui est la pierre d'angle, ça peut être aussi l'inversement, on peut dire que la pierre d'angle, elle peut aller se promener, non? C'est même comme ça, peut-être qu'il y aurait une chance que les choses changent. La pierre d'angle s'en allait tout l'édifice se foutrait par terre, l'accident. Enfin, ne plaisantons pas. Simplement, il n'y a pas de quoi s'arrêter. C'est de toute façon là où il se place. ce niveau où le savoir est fonction de vérité. De là, nous sommes à proprement parler, enfin, condamnés à ce que, même sur ce point encore flou pour nous, le rapport du savoir avec la vérité, ce n'est qu'un idée, sachons-le. Nous pouvons énoncer en ce sens. Je ne sais pas si vous sentez bien la portée de ça. Ça veut dire que si nous disons quelque chose d'une façon, dans ce temps, en ce champ, il va y avoir une autre part qui, de se dire même, devient absolument irréductible, tout à fait obscur. Il y a certaines arbitraires, il y a un choix qui peut se faire sur ce qu'il s'agit d'éclairer. Donc, si je ne parle pas du nom du Père, hein, ça me permettra de parler d'autre chose. Ce ne sera pas sans rapport avec la vérité. Ce n'est pas comme pour le sujet. Ce ne sera pas la même. Donc, ceci est une parenthèse. Ce que nous constatons, de ce qu'il advient du savoir à la place de la vérité, je veux dire, dans le discours de l'analyste, je pense... Si vous n'avez pas entendu, je vais vous dire maintenant, pour que ça vienne, vous devez quand même vous rappeler que ce qui vient là, c'est le mythe. On n'a pas attendu que le discours du maître se soit pleinement développé. On fait son fin mot dans le discours du capitaliste, cette curieuse copulation avec la science. On n'a pas attendu ça, mais j'ai toujours vu, en tout cas, c'est le tout de ce que nous voyons. Quand il s'agit de la vérité, la vérité première, c'est au fond, c'est celle qui, quand même, nous intéresse un peu, quoi. En lui donnant seulement son impératif, continue à savoir, quoi, dans un certain champ. Des choses curieuses, un champ qui a, avec ce qui te concerne, soit bonhomme à une certaine discordance. Oui, et bien c'est occupé par le mythe. Voilà, on en a fait une branche. La linguistique. Je veux dire que c'est ce qu'on dit de plus sérieux sur le mythe, c'est en partant de la linguistique. Là, bien sûr, je peux vous recommander dans l'anthropologie structurale, recueil fait d'articles par Strauss, de vous rapporter au chapitre 11 la structure des mythes. Vous devrez évidemment énoncer la même chose que ce que je vous dis, et ça marque la vérité. Ne se supporte que d'un idylle. Le premier examen sérieux, bon, en fait. grosses unités, comme je les appelle, au capitaine de l'Éternel. C'est évidemment ceci que je ne lui impute pas, mais il y a textuellement qu'il écrit la possibilité de mettre en connexion des groupes de relations, il s'agit des paquets de relations, n'est-ce pas, comme il définit les mythes, et surmonter, ou plus exactement remplacer, par l'affirmation que deux relations contradictoires en fait sont identiques, ceci dans la mesure où chacune est comme l'autre, contradictoire avec soi. Bref, le vidire est la loi même interne de toute espèce d'énonciation de la vérité. Et qu'est-ce qui l'incarne le mieux? C'est le mythe. On peut quand même passer là, peut-être satisfait, que nous en soyons encore là. Parce que le mythe central, il savait quand même du discours psychanalytique. Le mythe, je pense que vous pouvez tous répondre à cette question. C'est bien amusant. L'effet qu'a fait l'usage des mythes chez des gens qui étaient occupés des mythes, tout ça, depuis longtemps quand même, on n'avait pas attendu un mythe de Strauss qui y a apporté de clarté d'emblée pour s'intéresser très vivement à la fonction du mythe. Dans les milieux où on sait ce que c'est qu'un mythe, même si on ne connaît pas forcément que finalement il s'est cité, ce sera difficilement admissible, même pour l'opérateur du obtus. On va voir que tout ce qu'il peut dire du mythe, c'est ça, c'est la vérité. Dans une alternance, strictement opposé, qu'il faut faire tourner autour l'une de l'autre, enfin, quoi que ce soit, pour les construire, le déclement des mondes, enfin, jusqu'à y compris ce que vous voudrez, même des mythes comme ça, supérieurs, pas de la forêt, les lignes et les liens. Enfin, on peut déconner beaucoup, vous comprenez, autour du mythe. Parce que c'est justement le champ du détonnage. Le détonnage, comme je vous l'ai dit depuis toujours, c'est la vérité. Identique. La vérité, ça permet de tout lire. Tout est vrai, à condition d'exprimer le contraire. Donc ça joue quand même un rôle, que ce soit comme ça. Alors le mythe est tel que Freud l'avait mentionné, ce que vous dites, il y a parce que vous ne savez pas, les mythographes, ça les fait plutôt que les mythes. Absolument pas le mythe. Pourquoi ce privilège? Première étude sérieuse qu'on peut en faire montre qu'il est beaucoup plus compliqué d'ailleurs, comme par hasard, dans des discours qui ne sortissent pas à l'épreuve, dans le même article, nous énonce, enfin, le mythe d'Édipe complet, on peut voir qu'il s'agit de tout à fait autre chose que de savoir si on a baisé ou non sa maman. Quand même curieux. Et après, par exemple, un mythographe, bien qualifié, vous le savez, la bonne école, là, la bonne veine qui commence à boire, et qui justement, c'est un homme écrevait après avoir écrit un livre incendiaire sur Totem et Tabou. 20 ans après, c'est quand même écrit quelque chose. Ça, c'est ça le cas qui m'a fait fracasser. J'en avais dit comme ça, qui te bande. Surtout qu'il avait son prétendaire, à savoir que le moine étudiant voyait pouvoir faire corps une salle à pas tout supporter. Alors, il avait remarqué quand même que quelqu'un allait avoir sa raison d'être. Il y avait quelque chose, il ne pouvait pas dire quoi. Il ne pouvait pas dire quoi. Au sommet des livres, il y avait là un homme. Il n'en est pas plus d'ailleurs. Et encore après la critique qu'il a faite sur le Totem et Tabou, donc il faut tout de même bien dire que il faudrait, enfin, je ne sais pas moi si vous voulez que je le fasse, que jamais, enfin, étudier sa composition, enfin, qui est une des choses les plus tortues, enfin, qu'on puisse imaginer, qui est tout de même pas parce que je prêche leur tour à feu, que je ne peux pas dire que Totem et Tabou, c'est pas en vue. C'est même pour ça qu'ils vont tourner à Freud. C'est pour le percevoir que si j'étais rendu comme ça, j'avais dit que c'était la même manière qu'ils avaient écrit la pensée, ça devait avoir une raison d'être. Je ne voulais pas ajouter Moïse et le monothéisme, n'en parlons pas, parce qu'au contraire, on va en parler. Je sais qu'on va lire que l'histoire humaine, il fait des choses en ordre. J'ai même commencé à faire des choses comme ça, un espèce de chemin damné, à peu près, bien sûr, moi-même, vous entier vers l'humanité, pour qu'on sache que c'est une déformation de l'inconscient, par exemple, de la relation d'objet. Alors maintenant, on croirait simplement que je fais des galipettes autour de Freud. Oui. Sachant tout de même d'entraver un petit peu les choses, qu'est-ce qu'il en est du mythe d'Édith? Du mythe d'Édith dans Freud. Je ne finirai pas avec lui aujourd'hui. Et comme vous voyez, je ne presse pas, je ne vous pas. Comme ça me vient, et puis on va voir jusqu'où car on peut en arriver. Je vais commencer comme ça par là. Je vais vous donner tout de suite ma visée, parce que je ne sais pourquoi je n'adapterai pas mes cartes. C'est pas comme ça que je comptais tout à fait vous en parler, mais au moins ça sera clair. De plus en plus, les psychanalystes s'engagent dans quelque chose qui est effectivement excessivement important. Le savoir. Le rôle de la mère. Et ces choses, mon Dieu, enfin, j'ai commencé déjà. J'ai promis, Un rouleau comme ça, hein, bien dur, une paupière. Qui est là, en puissance, hein? Au niveau du clavier, hein? Ça tient. Ça coince. On l'appelle le phallus. Vous mettez à la brise et tout d'un coup ça se refait. Ça, c'est des choses que j'ai exposées dans ce temps-là, comme ça, parce que c'était récent. Je parlais à des gens qui faisaient ménager, comme c'était des psychanalystes. Et ces choses, mon Dieu, enfin, j'ai commencé déjà à les avoir vécues. De la mère, c'est délire sa mère, c'est absolument capital, parce que délire sa mère, je veux des choses qu'on peut supporter. Comme ça, ça me soit indifférent, hein, ça entraîne toujours des dégâts. Quoi, hein? Un grand crocodile comme ça, hein? Voilà où tu gagnes, c'est ça la mère, non? C'est pas si je lui prends, d'un coup comme ça, de la refermer sur la terre. C'est ça le délire de la mère. Alors, j'ai essayé d'expliquer que j'avais l'assurance que j'avais un os comme ça. Je voulais vous dire des choses simples. Il y avait quelque chose qui était rassurant pour ça. Il y avait. J'improvise. Un rouleau comme ça, hein, bien dur, une paupière. Qui est là, en puissance, hein? Au niveau du clapet, hein? Ça tient! Ça coince! On l'appelle le phallus. Ou d'autres. Vous mettez à la brise et tout d'un coup, ça se refait. Hein? Ça, c'est des choses que j'ai exposées dans ce temps-là, comme ça, parce que c'était récent. Je parlais à. Des gens qui fallait ménager, comme c'était des psychanalystes. Alors, vous allez leur dire des choses grosses comme ça, parce qu'ils les comprennent. D'ailleurs, ils ne comprenaient pas. Alors, j'ai parlé à ce niveau-là de la métaphore paternelle. J'ai introduit, je n'ai jamais parlé du complexe d'Édipe. Que sous cette forme, c'est la métaphore paternelle, alors c'est quand même tout de même ça. C'est pas comme ça que Freud nous présente les choses. Surtout qu'il y a beaucoup, hein, est-ce que ça se soit passé, cette sacrée histoire du meurtre du père de la horde, vous savez, là, cette pitrerie darwinienne, le père de la horde. On n'avait jamais eu la moindre trace du père de la horde. On a vu les orangs-outans et le père de la horde. En tout cas, retire à ce que ça soit réel. Hein? Ça, il dit, tiens, il faut tout le temps pour vous, pour faire ça. Ça s'est forcément passé. C'est de là tout à démarrer. Avoir tous nos emmerdements, y compris celui d'être psychanalyste. C'est frappant. En tous les cas, quelqu'un aurait vu sur cette métaphore paternelle, s'exciter un peu, devoir faire moi, ce que j'ai toujours voulu désirer, afin que. J'ai invité un petit trou comme ça, une petite voix. Mais quelqu'un, ça va, me fasse la trace, enfin. Je commence à montrer un petit chemin comme ça. Puisque je n'ai pas appartenu à ce groupe. Enfin, quoi qu'il en soit, ça ne sait pas. Alors la question de l'Édipe est intacte. Alors, je vais vous faire quelques remarques préliminaires. parce que vous connaissez, il faut vraiment bien marteler la chose pour que ça ne s'escamote pas, cette histoire. Oui, il y a une chose comme ça, la pratique analytique, qui est une même chose. Thank you. que l'Égypte ne sache absolument pas qu'il a tué son père, ni non plus qu'il a tué sa mère. Ça ne change rien à la question, mais c'est justement l'exemple de l'inconscience. Je pense que j'ai assez bien pensé si longtemps l'ambiguïté qu'il y a entre l'usage du terme inconscient comme substance. Puis inconscient au sens adjectif, à savoir ce pauvre Egypte, c'était un inconscient. Hein? Il y a là une équivoque qui est une œuvre du style. Donc, quoi qu'il en soit, si je ne sais pas, il attendait voir ce que les choses veulent. Il y a donc ce mythe Egypte. C'est la sorte. Et puis, il y a l'histoire à dormir debout, là, je vous parlais tout à l'heure, le meurtre du père de l'avant de midi. Vous êtes assez curieux que le résultat soit exactement le contraire. À savoir, on le tue, le vieux papa, là, qui avait tout pour lui. C'est déjà fabuleux, pourquoi? Pourquoi il leur dit tout pour lui, alors qu'il y a d'autres gars, quand même. Elle aussi, c'est peut-être un rare petite idée. Non, mais on part de là. La conséquence. Là, c'est quand même tout à fait autre chose que le mythe des dits. La conséquence pour avoir tué la fleur. Il se passe deux choses. Quand je mets une entre parenthèses, car elle est fabuleuse, il se découvre en chemin. Enfin, si ça peut vous donner quelques idées, parce qu'il en est à travers l'idée. Je donne ça comme ça, comme une petite pierre d'argent que peut-être que ça peut faire. Cette année, on aura le temps d'y revenir, enfin. Cette énergie que nous avons avec tous frères trouve bien évidemment que nous ne sommes pas tous. Même avec notre frère consanguin, rien ne nous prouve que nous sommes son frère. Nous pouvons avoir un lot de chromosomes complètement opposés de nous. Alors, c'est acharnement à la fraternité, sans compter la reste, quelque chose en face de gravité. Il conviendrait quand même qu'on s'aperçoive ce que ça recouvre. Tenez, qu'une seule origine de la fraternité, je parle du maître, toujours le maître, c'est la ségrégation. Ségrégation, quoi? Il n'y a plus de ségrégation nulle part. C'est inouï. C'est inouï, quand on lit les journaux. Maintenant, la société l'appelle, enfin, moi je ne veux pas l'appeler, mais justement, je réserve les termes, je fais attention à ce que je dis. Je suis pas un homme de gauche. Tout ce qui existe est fondé sur la ségrégation ethnique. Au premier terme, la fraternité. Aucune autre fraternité ne se conçoit même, n'a le moindre fondement, comme je viens de vous le dire, le moindre fondement scientifique. On est isolé, enfin. Isolé du reste. Par quelque chose dont il s'agit d'avoir la fonction, pourquoi c'est comme ça? Enfin, que ce soit comme ça, ça se trouve aux yeux, et à force de faire comme si c'était un rêve, ça doit avoir quand même quelques inconvénients. du midi, le village. Je ne dis pas pourquoi c'est comme ça. Bon, parce que si je dis ça, je ne peux pas le dire pourquoi c'est comme ça. Voilà un exemple. Enfin, quoi qu'il en soit, il découvre frère. Je demande au nom de quelle ségrégation. Et puis deuxièmement, ils décident tous d'un seul cœur qu'on ne touchera pas au plus maintenant. Parce qu'il y en a plus d'une en plus. Il pourrait s'échanger puisque le vieux père, là, il les a toutes. On touchait le moment du frère. Qui sont frères que par le père. Jamais personne ne sent ces valeurs. Cette curieuse chose. Le totem et tabou n'a rien à faire avec l'usage courant de la référence sans paupières. Le comble du comble, c'est le mot. Pourquoi faut-il que Moïse était tout? Il nous l'explique le plus fort. C'est pour qu'il revienne dans les prophètes. À travers les chromosomes, il faut bien l'admettre. Là, je peux dire que la remarque qu'elle avait faite comme Jones fait qu'il ne semble pas avoir de Darwin, il est juste. Il a pourtant lu, puisque c'est Darwin qui se rentre vers le culte de l'État. Bien certain que c'est quand même pas pour rien que Moïse est monothéiste, et comme le reste de tout ce qui est autre, c'est absolument facile. On peut se dire comme ça, si vous voulez. Ça n'a ni que vitesse. Ça, on en reparlera. Qu'à certains, c'est tout de même ce dont il s'agit avec les prophètes. C'est pas quelque chose qui est quoi que ce soit à faire cette fois-ci avec la jouissance. Ça veut dire que, je vous le signale, même temps, qui sait, quelqu'un peut bien me rendre service, je veux dire que je veux signer en quête de quelque chose qui sert de petite chevillette à ce que Freud nous énonce, à savoir de l'œuvre du nommé Céline, parue en 1922, Famose und seine Bedeutung für die israelitische jüdische Religion Geschichte. Pas un inconnu, Staline. Je me suis procuré le seul prophète. Il commence par oser. Un oser. Et si oser, paraît-il, c'est chez lui qu'on trouve trace de ce qui aurait été le meurtre de Moïse. Je veux dire que je n'ai pas attendu de dire le Céline pour avoir lu oser. Mais que j'ai jamais pu, de toute ma vie, procurer le Céline. À quoi que je commence à devenir enragé, à quoi que je remue l'Europe entière pour l'avoir. Il n'est pas à la Bibliothèque nationale, il n'est pas à l'Alliance d'Israël, etc., à l'Universel. fasse très difficile à trouver. Je pense que je vais tout de même arriver à la même. Quelqu'un que vous avez dans sa poche pour une approche de la portée à la fin de la séance. En tous les cas, dans ce procès, il y a une chose que j'ai fait tout à fait clair, en tout cas, c'est inouï ce texte de Osée. Moi, je ne sais pas combien de personnes il y a ici à lire la Bible. Je ne peux pas vous dire que j'ai été élevé dans la Bible parce que je suis d'origine catholique. Je le regrette. Mais enfin, je ne le regrette pas, en ce sens que quand je la lis maintenant, quand je veux dire maintenant, je ne vais pas dire tout ça. Ça me fait un effet. Élie familiale, c'est la juration de Yahvé à son peuple, qui se contredisent d'une ligne à l'autre, c'est quelque chose qui tourne la tête. Il y a une chose certaine, c'est qu'on voit bien de quoi il s'agit. Tous les rapports avec la femme sont savoir, c'est un sein et un nun et un van où sont les machins. Voilà, je vous l'ai dans la très belle lettre où était vendu. C'est prostitution. Elle s'adresse à Osée, il s'agit de ça que son peuple s'est définitivement prostitué et la prostitution. Tout ce qui l'entoure, à savoir, très probablement, il y a un contexte, disons, où il y avait ce discours du maître des bourgs, qu'il n'y a pas de rapport sexuel. C'est déjà aimé fortement. On a bien l'idée que notre peuple élu se trouve dans un bain. Peut-être qu'il y avait des rapports sexuels. C'est probablement ça qu'il y avait, appelle la prostitution. En tous les cas, il est bien clair que si c'est l'esprit de Moïse qui revient là, il ne s'agit pas précisément de la même chose. Et a engendré l'accès à la chose. Il faut quand même voir les choses comme elles sont, car au milieu de tout ça est si fascinant que jamais personne n'a semblé. Ça a engendré sans doute trop immédiat pour faire ces objections. En plus, ce n'est pas ces objections. Ce manque-là dans le sujet, c'est vraiment ce qui est remarquable. Premièrement, c'est que les prophètes, en fin de compte, ne parlent jamais de Moïse. Meilleurs élèves, disons la fête monarque, c'est-à-dire que les protestants, dans les deux versets, c'est plus longtemps que moi. Mais surtout, ils parlent absolument pas de cette chose qui pour toi me semble la clé, à savoir que le Dieu de Moïse est le même Dieu que celui d'Akhenaton. À savoir un Dieu qui serait un. Vous savez, moi qui en choisis, je n'avais pas tout le temps des autres dieux, et dit simplement qu'il ne faut pas rendre la soeur des deux, mais il va toujours le prendre. Il ne faut pas se précipiter vers les idoles, mais après tout, même pas les idoles qui leur présentent lui. C'était certainement le cas du veau d'or. Je demandais à Dieu, mais ils ont fait un veau d'or, ça c'était tout naturel. Alors là, nous voyons qu'il y a une toute autre relation, qui est une relation à la vérité. Vous avez dit que la vérité est la petite sœur de la jouissance. le rail de Nîmes, qui a certes. Ce qui est totalement évité dans le grossier schéma meurtre du peintre bruitant, mais c'est le ressort agique. Savoir que c'est certes du meurtre du père que dispose l'accès libre auprès de Jocaste. C'est ce pourquoi lui est donné, ceci à l'acclamation populaire, Jocaste, qui, comme je voulais toujours dire, ça fait à vous. Parce que les femmes, c'est pas comme ça. Il faut avoir des petits renseignements. Quand même. Il y avait là un serviteur qui avait assisté à toute l'affaire. Ça serait tout de même curieux que ce serviteur qu'on trouve à la fin, et qui est quand même rentré au palais, ne pas dire à Jocaste que celui-là, que vous y êtes mari. Enfin, quoi qu'il en soit, là n'est pas l'important. L'important, c'est qu'Édith a été admis près de Jocaste parce qu'il avait. C'est mon fait d'une épreuve de vérité. Nous y reviendrons sur cette énigme de la sphère. Puisiez-vous dire que Philippe très mal? On verra ce que ça veut dire, ce Philippe très mal, et jusqu'à quel point ça peut très mal finir. C'est parce qu'il a voulu absolument savoir la vérité. Alors nous voyons qu'il n'est pas tout à fait précis. D'abord, sérieusement, cette référence, puisque la référence première est en train d'intervenir. Outre le meurtre et la jouissance, cette dimension est interdite. Voilà. Voilà où je pourrais vous en laisser aujourd'hui. Ce qui est clair, c'est que simplement avoir, comme Freud, ce mythe fondamental, il est véritablement abusif de même sous la même accolade et dit, qu'est-ce que vous voyez ? Foutre le nom de Dieu, c'est le câble dit. Un père avec Élie et le père de la horde primitive. Ce qui doit bien y avoir là-dedans quelque chose qui a du contenu manifeste et du contenu latin. Pour tout dire, pour conclure aujourd'hui, je dirais que ce que nous prenons aujourd'hui, c'est l'analyse du complexe d'Élie comme étant un reste